standards. Just a pinch out of Nolo, I could be the man who mops the fucking floor. I woke up in the night shift, my body's in reality. That bottoms up, don't wanna end up like my pop did. I woke up in the night shift, my body's a relative. The moon is down my soul. I live like a vampire, someone save me. I feel like I'm breaking we Alors on y va, c'est reparti, l'émission Meureka le vendredi soir. Ah bah oui, toujours le vendredi soir, mais avec des horaires un petit peu différents. On va commencer un petit peu plus tôt, parce qu'il va falloir partir plus tôt aussi, à cause du couvre-feu. Mais enfin, on revient en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc l'émission Meureka, bah, c'est la 460e émission. Nous avons reçu quelques invités il y a quelques temps. Après, il y a eu encore le reconfinement. Là, maintenant, on est un petit peu en couvre-feu. Mais on revient faire des émissions. Donc on a plein de gens qui nous ont envoyé des morceaux, c'est ce qu'on va faire, on va écouter ces morceaux jusqu'à 20h30 dans cette émission. Dernièrement, on a reçu notre ami David McLean, on a reçu notre ami Francis Laché, le chanteur du groupe qu'on vient d'écouter, qui s'appelle les Shaking Mets. Alors les Shaking Mets nous ont interprété un morceau qui s'appelle All Inclusive, qui fait partie de leur dernier album, hein. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce groupe-là, il est vraiment bien, et puis moi j'adore tout ce qu'ils font, et ils avaient participé aussi au Maverick Live, le dernier qu'on a fait, ça fait déjà plus d'un an. On a dû en annuler deux autres dernièrement et on ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu le suivant. Mais bon, on n'est pas les seuls dans cette configuration-là, étant donné que toutes les associations sont un petit peu en difficulté et Radio Arc-en-Ciel elle-même doit réagir. Mais on est là, on est toujours là donc pour s'adapter, hein, parce qu'on va continuer à faire des bonnes émissions sur Radio Arc-en-Ciel. C'est pas aujourd'hui qu'on va s'arrêter. Hein. Et puis, donc, on a écouté depuis le début de l'émission les Sons of Distortion avec un morceau qui s'appelle Night Shift. Ensuite, c'était les Shaking Mets avec All Inclusive qu'on vient d'écouter. Alors, on avait reçu aussi notre ami Didier, hein, Didier qui aujourd'hui ne fait plus partie de l'émission Maverika puisque bon, il est parti à d'autres occupations, mais il est venu avec beaucoup de plaisir en tant qu'invité il y a quelque temps. Donc, et on va essayer de recevoir à nouveau plein de gens. Alors, il y a toute une liste, hein, de personnes qui m'ont demandé, on voudrait venir dans l'émission, mais pour l'instant, on a un petit peu de mal à organiser tout ça. Donc, dès qu'on aura un peu plus de visibilité, on va remettre ça, on va refaire un programme comme on avait fait et on va essayer de repartir dans des conditions normales. En attendant, bah, ce soir, on va écouter plein de bonnes musiques. Je vous ai préparé plein de bonnes choses. On m'a envoyé plein de bonnes choses. J'aurai pas le temps de tout diffuser. Ça va passer très vite. Alors, place à la musique. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Maverika. Ceux qui m'ont envoyé des morceaux pour vous faire écouter, j'en ai reçu un hier soir. Donc, il s'agit du groupe Custom qui devait faire partie du Maverika Live le prochain. En tout cas, ils feront partie. Hein, ils sont toujours partants. Et on va écouter une nouveauté. J'ai découvert ça hier soir et je vous le partage tout de suite sur les antennes de Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz. Rock and Roll Party. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. We'll be right back. vraiment une belle plante. Non, tu n'avais rien d'une endive. Mais tu m'as pris pour une pauvre pomme. Moi et puis mon cœur d'artichaut. On ne vient plus faire le poireau devant chez moi. Entre nous, les carottes sont cuites. Et n'en fais pas une salade. Oh non, c'est pas la fin des haricots. J'ai cru que tu avais un petit poids dans la tête. Toi, tu m'as roulé dans la farine. Aujourd'hui, je suis sur la paille. Grâce à toi, je n'ai plus un radis en poche. Alors ne viens plus faire le poireau devant chez moi. Entre nous, les carottes sont cuites. Et n'en fais pas une salade. C'est pas la fin des haricots. T'occuper de tes oignons avant que la moutarde me monte au nez. Même si t'en as gros sur la patate, va falloir que tu me lâches la grappe. Arrête donc de ramener ta fraise. Tu as assez pressé le citron. Au mieux tu vas faire le chou blanc. Au pire prendre une pêche dans la poire. Alors arrête de faire poivre devant chez moi. Entre nous les carottes sont cuites, archi cuites. Ne fais pas en faire une salade. Non non non non non non, c'est pas la fin. Voilà, petite musique douce pour vous présenter quand même les titres des morceaux que nous écoutons depuis le début de cette émission numéro 460. On arrive bientôt à la 500e, hein, si on nous laisse faire nos émissions. En attendant, ce soir, on est là. On est vendredi 4 décembre et on a écouté Sons of Distortion depuis le début de l'émission, donc avec Night Shift. On a écouté aussi les Shaking Mates avec All Inclusive. Notre dernière émission, c'était le chanteur donc de Shaking Mets, Francis, qui était venu de la région parisienne pour faire une superbe émission avec nous. Il nous a laissé plein de morceaux en plus que j'ai chez moi et que j'ai écouté avec beaucoup de plaisir. Voilà, je me mets à bricoler un petit peu, étant donné qu'aujourd'hui il faut occuper un petit peu les soirées. Et j'écoute avec beaucoup de plaisir tous les morceaux qu'il m'a apporté. Vraiment de la très bonne musique qu'on avait écouté dans l'émission. De toute façon, vous pouvez réécouter le podcast qui est fait par notre ami Florent Amigo. On lui fait un petit coucou, hein, ça nous fait toujours plaisir de savoir qu'il est derrière les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Il fait partie de la famille de Radio Arc-en-Ciel, c'est vraiment quelqu'un sur lequel on compte beaucoup. Et on a écouté les Shaky Mets avec All Inclusive. Juste après, c'était le groupe Custom avec Rock'n'Roll Party, un morceau que j'ai reçu. Il est tout chaud, il est arrivé hier soir. J'ai écouté hier, je l'ai mis sur ma clé USB et c'est pour ça que vous avez pu l'écouter ce soir. Les Foggy Bottom, un groupe de l'Est de la France, ils sont de Lorraine, plus exactement. Et on était en contact avec eux, ils m'ont envoyé aussi un petit morceau qu'on a écouté avec beaucoup de plaisir. Un style bien particulier, moi j'aime bien ce qu'ils font, hein. Ketchup Mayo, on l'a écouté tout à l'heure. Les Fred Battista Concert avec La Fin des Haricots. Moi j'aime bien, plein de jeux de mots, plein de choses comme ça. Et je vous invite à regarder aussi les clips, hein, des morceaux que je vous passe ce soir, parce que vous pouvez les retrouver facilement sur les chaînes de vidéos sur internet. Voilà, donc Fred Battista Concert, qui est un groupe de Bordeaux. Voilà, pourquoi un jour ne viendrait-il pas dans l'émission Morica pour faire une émission, tout simplement, sur Radio Arc-en-Ciel. On a écouté aussi Elsia, qui, elle, veut venir dans l'émission, et dès que ça sera possible, on va la caler, parce qu'elle a sorti des nouveaux morceaux, et on a découvert un. Il y a aussi un superbe clip que je vous invite aussi à regarder, ça s'appelle Paranoid. Voilà, on va le dire à l'anglaise, parce que elle le dit très bien dans sa chanson, en tout cas. Une découverte aussi, Stéphanie Riedel. Voilà, on a reçu des morceaux qu'on va vous passer dans les prochaines émissions. Et on vous la présentera. Et peut-être on pourra aussi l'inviter aussi dans l'émission dès que ce sera possible. Nous avons écouté Le Bal des Pantins. Alors vous savez que l'année 2020, c'est aussi l'année de la Jarrie. D'ailleurs, un concert qui aurait dû avoir lieu demain, il est annulé tout simplement et reporté au mois de juillet. Donc c'est pas bien grave, parce qu'on savait que de toute façon tous les concerts sont plus ou moins annulés actuellement. Et la Jarrie, n'empêche que c'était les 20 ans de la Jarrie. Et vous le savez que depuis le début de l'année, on diffuse à chaque émission un morceau du groupe La Jarrie. Et là, c'était « Je résiste encore ». Voilà donc le groupe La Jarrie. Une autre découverte qu'on a fait il y a quelques temps, et j'ai beaucoup de plaisir à vous diffuser ces morceaux-là parce que j'aime bien ce qu'ils font, c'est le groupe Neutol. Le morceau que nous avons écouté s'appelle My Heaven. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maureka, et l'émission passe très vite. Vous savez que l'émission Maureka, je crois que c'est une des émissions qui a fait les émissions les plus longues sur Radio Arc-en-Ciel, parmi les plus longues en tout cas, ça je peux vous le dire. Aujourd'hui, ça paraît bien court, 1h30, et on a déjà fait la moitié. Donc, allez, on speed un petit peu et on va écouter tout de suite le groupe Yeti. Ça sera après. D'abord Arcadia avec À la vie et à la mort, et Yeti avec Radio. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. rirons. Ne soyons pas modestes. Sortons là les violons pour la beauté du geste. valley and the moonlight. Silence is raging. Seems so far away. Winds of heaven whistles around. Away. to blow my mind. How could I not be going crazy? Now my screen is reflecting AIDS. On your era, we run with miles. In that side of people who was broken by the sound of fear. Then we count the lights shattering the stars. Let's hold family sweat to rule my heart. Broken by the sound of fear. forget about them. I've got memories and trouble at the end of night. I've been home, I'm waiting for someone to cheer right down. Then packing up in bed seals and for the next hour. Travel at the end of night. A thousand times I'm in this room. A thousand times. Got no roots from my home. Was never on the ground. I got no roots from my home. Was never on the ground. No roots. I've got no roots. I've got no roots from my home. Was never on the ground. I've got no roots from my home. Was never on the ground. No roots. I've got no. And still, boy, that's just a wish to play. Ask me where I come from, I say a different way. Travel at gypsy is night. I can't give the numbers and play the guest name. He just replies that changes the words he still the same. Travel at gypsy is night. Inside them, when I grow old, I won't forget find them. I like digging holes, hiding things inside them. When I grow old, I won't forget to find them. I've got no roots.

I sing along the river and I'll see you through. All these days living inside my voice, I'm lonely as a rock and I have no choice. I will take my love like we take the sea, ready to reload my own place to be. Everything, you are everything. All these days living inside my Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz et vous écoutez l'émission Mavrika. Aujourd'hui, c'est la 460e. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, une fois de plus, parce que c'est un peu particulier. Après le confinement, maintenant il y a le couvre-feu. Il va falloir que je rentre rapidement avant de me faire attraper. Voilà, tout simplement. Puisque de toute façon, on a 3 heures pour aller faire une émission. Et puis avant 21h, il faut absolument qu'on soit rentré. Hein. C'est comme ça que ça se passe actuellement. Donc on s'adapte hein, sur Radio Arc-en-Ciel. Il n'y a pas d'invité, mais on écoute les groupes qu'on aime, on écoute les morceaux de rock and roll que nous aimons tous. Voilà, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de revenir dans le studio, de retrouver plein de gens. Alors là, j'étais un petit peu perturbé pendant cette émission parce que l'émission était très courte et beaucoup de gens m'ont envoyé des petits messages. Donc j'ai pas pu répondre à tout le monde. Je vais le faire au fur et à mesure. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de savoir que ça vous manque quelque part quand il n'y a pas l'émission Mavrika. Hein. Merci à vous en tout cas. On va récapituler un petit peu tous les morceaux que nous avons écoutés depuis tout à l'heure, parce qu'on en a écouté pas mal et il nous reste encore quelques-uns à entendre. Nous avons écouté donc, on va remonter jusqu'à La Jarrie, Je Résiste. On fait un petit coucou à Benoît qui nous a fait un petit coucou sur le Facebook de l'émission Mavrika. N'hésitez pas, hein, même si c'est pas pendant l'émission, vous pouvez le faire. Moi, je regarde assez régulièrement et je réponds à tous ceux qui sont intéressés par ce qu'on fait. Voilà. Alors, on était à la Jarry avec Je résiste encore. Juste après, c'était Neutol avec My Heaven. Ensuite, un groupe que j'aime beaucoup, hein, qu'on a reçu déjà ici à plusieurs reprises. Il s'agit aussi du groupe Arcadia avec À la vie et la mort. Le groupe Yeti, hein, un autre groupe excellent. Et en plus, ça touche ce que nous faisons, donc Radio, le titre des Yeti. Orpheum Black, un groupe dont j'ai affiché la photo. C'était la photo la plus aimée de 2019. Donc Orpheum Black était venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous parler de leur travail. Et on a écouté le morceau qui s'appelle Silent. Les Summer Chains avec Life is Beautiful. Et c'est vrai que la vie est belle, mais elle sera encore mieux le jour où on sera un petit peu plus libre d'aller au concert, de sortir, etc. Mais bon, un peu de patience et ça va venir. Lyon, un artiste que je dois recevoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On va le faire dès que ça sera possible. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Déblindé. Les Missing avec No Roots, c'est un morceau, c'est vraiment un morceau, une session ici enregistrée dans l'émission Mavrika, comme on a l'habitude de le faire. J'espère qu'on va revenir très vite à ce genre de configuration, parce que c'est ce qui fait notre force aussi. On a énormément d'enregistrements qui ont été faits ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel par des groupes qui ont joué en direct live, des vrais artistes, des vrais musiciens, des gens qui ne trichent pas, et ça existe même dans la région orléanaise, hein. Voilà, on a écouté aussi Iron Tree, un groupe que nous aimons beaucoup, en plus qui fait des excellentes reprises des morceaux des Iron Maiden. Le morceau que nous avons écouté s'appelle Speed of Light. Juste après, c'était Adrenaline Motors avec le titre Adrenaline Motors. À l'instant, c'était Puck, c'était le groupe Apolline. Et juste après, nous allons écouter Skawax avec Réseaux Sociaux. C'est ce qui un petit peu nous fait le lien entre nous. Donc, n'hésitez pas à aller sur Facebook et nous mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, moi, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Faites des petits pouces, faites plein de choses comme ça. En tout cas, montrez que vous êtes là, montrez que vous aimez la musique et encouragez-nous à continuer à faire cette émission. Et puis on se terminera cette émission avec un petit Red Daff. On fait comme ça. Ok, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc vendredi prochain à partir de 19h jusqu'à 20h30. C'est court, mais c'est comme ça, hein. Ça fait toujours plaisir d'écouter de la très bonne musique. Allez, on finit cette émission et puis je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et puis on se retrouve vendredi prochain. Je voulais aussi dédier cette émission à notre amie Irène. Voilà, pour ceux qui la connaissent, c'est l'auditrice la plus fidèle de l'émission Mavrika. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et la musique continue. Sans gêne, c'est que les réseaux sociaux nous rendent un point schizophrène. En vrai, tu ne peux pas blairer cette fille qui ne fait que montrer ses vacances à l'autre bout du monde et qui l'affiche chaque seconde. Tu aimes chacune de ses passions pour les cupcakes et la broderie de ta meilleure amie canon dont la vie est une anarchie. À la rigueur, ouvre les yeux, éteins ton tel et ton ordi. Tu verras, tu te sentiras mieux et tu connaîtras la vraie vie. N'est pas la vacuité totale ou la gloire au capitalisme ou bien le néant cérébral. À la rigueur, ouvre les yeux, éteins ton tel et ton ordi. Tu verras, tu te sentiras mieux et tu connaîtras la vraie vie. No.

Obviamente que não vão querer, nem as autoridades de saúde, as agências do medicamento, vão querer, obviamente, colocar